Histoire des objets gens de Léon Blois. La tisane. À Henri de Groux. Jacques se jugea simplement ignoble. C'était odieux de rester là, dans l'obscurité, comme un espion sacrilège, pendant que cette femme, si parfaitement inconnue de lui, se confessait. Mais alors il aurait fallu partir tout de suite. Aussitôt que le prêtre en surplis était venu avec elle, ou du moins faire un peu de bruit pour qu'il fût averti de la présence d'un étranger. Maintenant, c'était trop tard, et l'horrible indiscrétion ne pouvait plus que s'aggraver. Désœuvré, cherchant comme les cloportes un endroit frais à la fin de ce jour caniculaire, il avait eu la fantaisie, peu conforme à ses ordinaires fantaisies, d'entrer dans la vieille église. Et s'était assis dans ce soin sombre, derrière ce confessionnal, pour y rêver, en regardant s'éteindre la grande rosace. Au bout de quelques minutes, sans savoir comment ni pourquoi, il devenait le témoin fort, involontaire, d'une confession. Il est vrai que les paroles ne lui arrivaient pas distinctes, et qu'en somme, il n'entendait qu'un chuchotement. Mais le colloque, vers la fin, semblait s'animer. Quelques syllabes, çà et là, se détachaient émergeant du fleuve opaque de ce bavardage pénitentiel, et le jeune homme, qui par miracle était le contraire d'un parfait goujat, craignit tout de bon de surprendre des aveux qui ne lui étaient évidemment pas destinés. Soudain, cette prévision se réalisa. Un remous violent parut se produire. Les ondes immobiles grondèrent en se divisant comme pour laisser surgir un monstre, et l'auditeur, broyé d'épouvante, entendit ces mots proférés avec impatience. Je vous dis, mon père, que j'ai mis du poison dans sa tisane. Puis rien. La femme, dont le visage était invisible, se releva du prie-Dieu et silencieusement disparut dans le taillis des ténèbres. Pour ce qui est du prêtre, il ne bougeait pas plus qu'un mort, et de lentes minutes s'écoulèrent avant qu'il ouvrît la porte et qu'il s'en allât, à son tour, du pas pesant d'un homme assommé. Il fallut le carillon persistant des clefs du bedeau et l'injonction de sortir, longtemps bramé dans la nef, pour que Jacques se levât lui-même. Tellement il était abasourdi de cette parole qui retentissait en lui comme une clameur. Il avait reconnu la voix de sa mère. Oh, impossible de s'y tromper, il avait même reconnu sa démarche, quand l'ombre de femme s'était dressée à deux pas de lui. Mais alors quoi, tout croulait, tout fichait le camp, tout n'était qu'une monstrueuse blague. Il vivait seul avec cette mère, qui ne voyait presque personne, et ne sortait que pour aller aux offices. Il s'était habitué à la vénérer de toute son âme, comme un exemplaire unique de la droiture et de la bonté. Aussi loin qu'il put voir dans le passé, rien de trouble, rien d'oblique, pas un repli, pas un seul détour. Une belle route blanche à perte de vue sous un ciel pâle. Car l'existence de la pauvre femme avait été fort mélancolique. Depuis la mort de son mari tué à Champigny, et dont le jeune homme se souvenait à peine, elle n'avait cessé de porter le deuil, s'occupant exclusivement de l'éducation de son fils, qu'elle ne quittait pas un seul jour. Elle n'avait jamais voulu l'envoyer aux écoles, redoutant pour lui les contacts. S'était chargée complètement de son instruction, lui avait bâti son âme avec des morceaux de la sienne, donnait même de ce régime une sensibilité inquiète et des nerfs singulièrement vibrants qui l'exposaient à de ridicules douleurs, peut-être aussi à de véritables dangers. Quand l'adolescence était arrivée, les fredaines prévues qu'elle ne pouvait pas empêcher l'avaient faite un peu plus triste, sans altérer sa douceur. Ni reproche, ni scène muette. Elle avait accepté, comme tant d'autres, ce qui est inévitable. Enfin, tout le monde parlait d'elle avec respect, et lui seul au monde, son fils très cher, se voyait aujourd'hui forcé de la mépriser. De la mépriser à deux genoux et les yeux en pleurs. Comme les anges mépriseraient Dieu s'il ne tenait pas ses promesses. Vraiment, c'était à devenir fou. C'était à hurler dans la rue. Sa mère, une empoisonneuse. C'était insensé. C'était un million de fois absurde. C'était absolument impossible, et pourtant c'était certain. Ne venait-elle pas de le déclarer elle-même? Il se serait arraché la tête. Mais empoisonné de qui, bon Dieu? Il ne connaissait personne qui fût empoisonné dans son entourage. Ce n'était pas son père qui avait reçu un paquet de mitraille dans le ventre. Ce n'était pas lui non plus qu'elle aurait essayé de tuer. Il n'avait jamais été malade, n'avait jamais eu besoin de tisane et se savait adoré. La première fois qu'il s'était attardé le soir, et ce n'était certes pas pour de propres choses, elle avait été malade elle-même d'inquiétude. S'agissait-il d'un fait antérieur à sa naissance? Son père l'avait épousée pour sa beauté. Lorsqu'elle avait à peine 20 ans, ce mariage avait-il été précédé de quelque aventure pouvant impliquer un crime? Non, cependant. Ce passé limpide lui était connu, lui avait été raconté 100 fois, et les témoignages étaient trop certains. Pourquoi donc cet aveu terrible? Pourquoi surtout, pourquoi fallait-il qu'il en eût été le témoin? Sous d'horreur et de désespoir, il revint à la maison. Sa mère accourut aussitôt l'embrasser. « Comme tu rentres tard, mon cher enfant, et comme tu es pâle, serais-tu malade ?»« Non, répondit-il. Je ne suis pas malade, mais cette grande chaleur me fatigue et je crois que je ne pourrai pas manger. »« Et vous, maman, ne sentez-vous aucun malaise ? Vous êtes sortie, sans doute, pour chercher un peu de fraîcheur. Il me semble vous avoir aperçu de loin sur le quai. » « Je suis sorti, en effet, mais tu n'as pas pu me voir sur le quai. J'ai été me confesser, ce que tu ne fais plus, je crois, depuis longtemps, mauvais sujet. » Jacques s'étonna de n'être pas suffoqué, de ne pas tomber à la renverse, foudroyé, comme cela se voit dans les bons romans qu'il avait lus. C'était donc vrai qu'elle avait été se confesser. Il ne s'était donc pas endormi dans l'église, et cette catastrophe abominable n'était pas un cauchemar. Ainsi qu'il l'avait une minute follement conçu. Il ne tomba pas, mais il devint beaucoup plus pâle, et sa mère en fut effrayée. « Qu'as-tu donc, mon petit Jacques ? » lui dit-elle. « Tu souffres, tu caches quelque chose à ta mère ? Tu devrais avoir plus de confiance en elle qui n'aime que toi, qui n'a que toi. Comme tu me regardes, mon cher trésor, qu'est-ce que tu as donc? Tu me fais peur. » Elle le prit amoureusement dans ses bras. Écoute-moi bien, grand enfant. Je ne suis pas une curieuse. Tu le sais, je ne veux pas être ton juge. Ne me dis rien si tu ne veux rien me dire, mais laisse-toi soigner. Tu vas te mettre au lit tout de suite. Pendant ce temps, je te préparerai un bon repas très léger, que je t'apporterai moi-même, n'est-ce pas? Et si tu as de la fièvre cette nuit, je te ferai de la tisane. » Jacques, cette fois, roula par terre. Enfin, soupira-t-elle un peu lasse en étendant la main vers une sonnette. Jacques avait un anévrisme, aux dernières périodes, et sa mère avait un amant, qui ne voulait pas être beau-père. Ce drame simple s'est accompli il y a 3 ans dans le voisinage de Saint-Germain-des-Prés. La maison qui en fut le théâtre appartient à un entrepreneur de démolition. Histoire désobligeante de Léon Blois. La religion de Monsieur Pleure. Généralement, les individus qui ont excité mon dégoût en ce monde étaient des gens florissants et de bonne renommée. Quant aux coquins que j'ai connus, et ils ne sont pas en petit nombre, je pense à eux tous sans exception, avec plaisir et bienveillance. Thomas de Quincey. L'aspect de ce vieillard fécondait la vermine. Le fumier de son âme était tellement sur ses mains et sur son visage qu'il n'eût pas été possible d'imaginer un contact plus effrayant. Quand il allait par les rues, les ruisseaux les plus fangeux, tremblant de refléter son image, paraissaient avoir l'intention de remonter vers leurs sources. Sa fortune, qu'on disait colossale et que les bons juges n'évaluaient qu'en pleurant d'extase, devait être cachée dans de furieux endroits. Car nul n'osait hasarder une ferme conjecture sur les placements financiers de ce cauchemar. Il se disait seulement que, diverses fois, on entrevit sa maison de cadavres dans certaines manigances d'argent qui avaient abouti à des débâcles sublimes, dont quelques éleveurs de grenouilles le supposaient artisan. Il n'était pas juif, cependant, et lorsqu'on le traitait de vieille crapule, il avait une manière douce de répondre. « Dieu vous le rende !» qui faisait courir sur l'échine des plus roublards un léger frisson. L'unique chose qui parut certaine, c'était que ce guenilleux effroyable possédait une maison de haut rapport dans l'un ou l'autre des grands quartiers excentriques. On ne savait pas exactement. Il en possédait peut-être plusieurs. La légende voulait qu'il couchât dans un antre obscur sous l'escalier de service, entre le tuyau des latrines et la loge du concierge, que ce voisinage idiotifiait. Ses quittances de loyer étaient, m'a-t-on dit, délivrées par économie sur des déchirures d'affiches que des locataires pleins d'entre-gens revendirent à des collectionneurs astucieux. On racontait aussi l'histoire devenue fameuse d'une soupe fantastique, trempée régulièrement le dimanche soir et qui devait le nourrir toute la semaine. Pour ne pas brûler de charbon, il la mangeait froide 6 jours de suite. Dès le matin, naturellement, cette substance alimentaire devenait fétide. Alors, avec les révérencieuses façons d'un prêtre qui ouvre le tabernacle, il prenait dans une petite armoire scellée au mur et qui devait contenir d'étranges papiers, une bouteille de vieux rhum vraisemblablement recueillie dans quelque naufrage. Il en versait des gouttes rares dans un verre minuscule et se fortifiait à l'espoir de les déguster aussitôt, après avoir englouti son cataplasme. L'opération terminée, « Maintenant que tu as mangé ta soupe, disait-il, tu n'auras pas ton petit verre de rhum. » Et déloyalement, il reversait dans la bouteille le précieux liquide, recommandable finesse qui réussissait toujours depuis 30 ou 40 ans. Jamais un spectre ne parut être aussi complètement dénué de style et de caractère. Il avait beau rassembler par ses haillons, et sans doute par quelques-unes de ses pratiques, aux outres les plus conspuées de Budapest ou d'Amsterdam, l'imagination d'un Prométhée n'aurait pu découvrir en lui le moindre linéament archaïque. Le surnom de Shylock, décerné par de subalternes imprécateurs, révoltait comme un blasphème, tellement cet avare n'exprimait que la platitude. Il n'avait de terrible que sa crasse et sa puanteur de bête crevée. Mais cela encore était d'un modernisme décourageant. Son ordure ne lui conférait la bienvenue dans aucun abîme. Il ne réalisait, en apparence du moins, que le bourgeois, le médiocre, le tueur de cygnes, comme disait Villiers, accompli et définitivement révolu, tel qu'il doit apparaître à la fin des fins, quand les tremblements sortiront de leur tanière et que les sales âmes seront manifestées au grand jour. S'il pouvait être innocent de prostituer les mots, il aurait fallu comparer M. Pleur à quelque horrible prophète, annonciateur des vomissements de Dieu. Il semblait dire aux individus confortables que dégoûtait sa présence, « Ne le comprenez-vous pas, ô mes frères, que je vous traduis pour l'éternité, et que mon impure carcasse vous reflète prodigieusement. Quand la vérité sera connue, vous découvrirez une bonne fois que j'étais votre vraie patrie, à tel point que, venant à disparaître, la pestilence de vos esprits me regattera. Vous aurez la nostalgie de mon voisinage immonde, qui vous faisait paraître vivant alors que vous étiez au-dessous du niveau des morts. Hypocrite salaud qui détestait en moi le dénonciateur silencieux de vos turpitudes, l'horreur matérielle que je vous inspire est précisément la mesure des abominations de votre pensée. Car enfin, de quoi pourrais-je donc être vermineux, sinon de vous-même qui me grouillez jusqu'au fond du cœur ? Le regard du drôle était particulièrement insupportable aux femmes, élégantes, qu'il paraissait exécrer, les fixant parfois d'un rayon plus pâle que le phosphore des charniers, œillades funèbres et visqueuses qui se collaient à leur chair, comme la salive des brucolaques, et qu'elles emportaient en bramant d'effroi. N'est-il pas vrai, mignonne, croyaient-elles entendre, que tu viendras à mon rendez-vous? Je te ferai visiter ma fosse gracieuse, et tu verras la jolie parure d'escargot et de scarabée noir que je te donnerai pour rehausser la blancheur de ta peau divine. Je suis amoureux de toi comme un chancre, et mes baisers, je t'assure, valent mieux que tous les divorces, car vous puerez un jour, ma souris rose, vous puerez voluptueusement à côté de moi, et nous serons de cassolettes sous les étoiles. Mais il eût été difficile, encore une fois, malgré ce regard atroce, de donner un signe qui pût être appelé caractéristique de ce monsieur pleure. La voix seule, peut-être, voix d'une douceur méchante qui suggérait l'idée d'un impudique sacristain chuchotant des ignominies. Il avait par exemple une manière de prononcer le mot argent qui abolissait la notion de ce métal et même de sa valeur représentative. On entendait quelque chose comme erge ou orge selon le cas. Et souvent aussi, on n'entendait rien du tout. Le mot s'évanouissait. Cela faisait une espèce de pudeur soudaine, une draperie tombant tout à coup au devant du sanctuaire, une crainte inopinée de paraître obscène en dépoitraillant l'idole. Imaginez, si la chose vous amuse, un sculpteur fanatique, un pygmalion sanguinaire et doucereux, cherchant avec vous le point de vue de sa Galatée, et vous faisant reculer sournoisement jusqu'à une trappe ouverte pour vous engloutir. C'était si fort, cette passion jalouse pour l'argent, que quelques-uns s'y étaient trompés. On avait attribué d'horribles vices à ce dévot impénitent de la tirelire et du coffre-fort, soupçon injuste, mais accrédité par quelques exégètes savants de la vie privée d'autrui, qui l'avaient surpris en de mystérieux colloques de trottoir avec des femmes ou des enfants. Son culte s'exprimait parfois en de telles circonlocutions extatiques. Le baveux hérétisme de sa ferveur atténuait si étrangement sa physionomie de fossoyeur calciné, et de si déshonnêtes soupirs s'exhalaient alors de son sein que les vases de moindre élection dans lesquels il laissait tomber sa rare parole était excusable, après tout, de ne pas sentir passer entre eux et lui l'hypocondriaque majesté de l'idolâtre. On me dispensera, je veux l'espérer, de faire connaître les raisons d'ordre exceptionnel qui déterminèrent un commerce d'amitié entre moi et ce personnage sympathique. J'étais seul, alors très jeune de même, et facilement accessible à l'enthousiasme. Monsieur Pleure se fit un plaisir de m'en saturer en se dévoilant à moi. Je crois être le seul qui ait reçu ses confidences. J'ajoute que ce souvenir m'a fort aidé à supporter une destinée plus que chienne, et le personnage étant mort, il y a bien longtemps déjà, ma conscience me presse, aujourd'hui, de témoigner en faveur de ce méconnu. Quelques hommes de ma génération peuvent se rappeler sa fin tragique, arrivée dans les dernières années de l'Empire et qui fit un assez grand bruit. L'assassinat dont les gazettes m'apportèrent les détails jusqu'aux environs du Cap Nord était assurément de l'espèce la plus banale, et les chenapans qui le perpétrèrent étaient peu dignes, il faut l'avouer, de la célébrité qu'ils obtinrent. Le vieillard avait été simplement étranglé sur sa couche, nidoreuse par des bandits jusqu'alors privés de notoriété, et qui n'avouèrent d'autre mobile que le vol. mais certaines circonstances relatives seulement au passé de la victime et demeurées inexplicables, exercèrent en vain, quelques mois, la sagacité des contemporains. Enfin, on crut deviner ou comprendre que M. Pleur n'avait pas été ce qu'il paraissait être. Bref, les assassins malchanceux, qui d'ailleurs se laissèrent prendre avec une extrême facilité, n'avaient pu découvrir le moindre trésor dans la tanière de l'avare. Et quoique ce dernier fût mort intestat et sans héritier naturel, le domaine de l'État ne put étendre ses griffes sur aucune propriété mobilière ou immobilière. Il fut établi que le défunt ne possédait absolument rien, sinon l'intendance viagère et l'usufruit d'une fortune gigantesque, inattaquablement aliénée dans les mains d'un certain évêque. Impossible de savoir ce qu'étaient devenues les considérables sommes qui avaient dû lui passer par les mains, depuis tant d'années qu'il donnait lui-même quittance à des escadrons de locataires. Pas un titre, pas une valeur, rien de rien, excepté la fameuse bouteille de rhum vidée par les étrangleurs. Comme ceci est à peine un conte, j'ai le droit de ne pas promettre une conclusion plus dramatique. Je le répète, je n'ai voulu que donner mon témoignage, le seul, très probablement, que puisse espérer l'ombre courroucée du mort. Qu'il me soit donc permis de résumer en quelques lignes les paroles assez curieuses qui me furent dites, en diverses fois, par ce solitaire ordinairement silencieux. Je ne crois pas que je sentirai jamais un si noir frisson quand se lointe un jour, ou côte à côte, sur un banc du jardin des plantes, il me fit entendre ceci. « Mon avarice vous fait peur. Eh bien, mon petit homme, j'ai connu un prodigue d'espèces moins rares qu'on ne pense, dont l'histoire vous donnera peut-être l'envie de baiser mes loques avec respect, si vous êtes assez doué pour la comprendre. Ce prodigue était un maniaque, naturellement. C'est toujours facile à dire, et cela dispense de tout examen profond. C'était même, si vous voulez, un monomaniaque. Son idée fixe était de jeter le pain dans les latrines. Il se ruinait dans ce but chez les boulangers. On ne le rencontrait jamais sans un gros pain sous le bras qu'il s'en allait en sautillant d'aise précipité dans les goguenots de la populace. Il ne vivait que pour accomplir cet acte, et il faut croire qu'il en éprouvait de furieuses jouissances. Mais sa joie devenait du délire quand l'occasion se présentait d'en offrir le spectacle à de pauvres diables crevant de faim. Il avait 30 000 francs de rente, celui-là, et se plaignait de la cherté du pain. Méditez attentivement cette histoire vraie qui ressemble à un apologue. Je n'eus pas le désir de baiser l'éloge de M. Pleur, mais son récit me fut assez clair sans doute, car je crus entendre galoper au-dessous de moi toute la cavalerie des abîmes. La dernière fois que je rencontrai ce Platon de la Lésine, « Savez-vous, me dit-il, que l'argent est Dieu, et que c'est pour cette raison que les hommes le cherchent avec tant d'ardeur ? Non, n'est-ce pas ? Vous êtes trop jeune pour y avoir pensé. Vous me prendriez infailliblement pour un espèce de fou sacrilège si je vous disais qu'il est infiniment bon. Infiniment parfait, le souverain seigneur de toutes choses, et que rien ne se fait en ce monde sans son ordre ou sa permission. Qu'en conséquence, nous sommes créés uniquement pour le connaître, l'adorer et le servir, et gagner par ce moyen la vie éternelle. Vous me vomiriez si je vous parlais du mystère de son incarnation. N'importe, apprenez que je ne passe pas un jour sans demander que son règne arrive et que son nom soit sanctifié. Je demande aussi à l'argent, mon rédempteur, qu'il me délivre de tout mal, de tout péché, des pièges du diable, de l'esprit de fornication, et je l'implore par ses langueurs aussi bien que par ses joies et par sa gloire. Vous comprendrez un jour, mon garçon, combien ce Dieu s'est avili pour nous autres. Rappelez-vous, mon monomaniaque, et voyez à quel emploi la malice des hommes le condamne. Moi, je n'ose plus y toucher depuis 30 ans. Moïse, jeune homme, depuis 30 ans, je n'ai pas osé porter mes pattes malpropres sur une pièce de 50 centimes. Quand mes locataires me paient, je reçois leur monnaie dans une cassette précieuse en bois d'olivier qui a touché le tombeau du Christ. Et je ne la garde pas un seul jour. Je suis, si vous voulez le savoir, un pénitent de l'argent. Avec des consolations inexprimables, j'endure pour lui d'être méprisé par les hommes, d'épouvanté jusqu'aux bêtes, et d'être crucifié tous les jours de ma vie par la plus épouvantable misère. J'avais assez pénétré l'existence mystérieuse de cet homme extraordinaire pour entrevoir qu'il me parla d'une façon toute symbolique. Cependant, les paroles saintes, aussi rudement adaptées, m'effaraient un peu, je l'avoue. Il se dressa tout à coup, levant les bras, et je le vois encore, semblable à une potence géminée, d'où pendraient les haillons pourris de quelque ancien supplicié. « On dit assez par le monde, me cria-t-il, que je suis un horrible avare. Eh bien, vous raconterez un jour que j'avais découvert la cachette, infiniment sûre, dont aucun avare avant moi ne s'était encore avisé. J'enfuis mon argent dans le sein des pauvres. Vous publierez cela, mon enfant, le jour où le mépris et la douleur vous auront fait assez grand pour ambitionner le suprême honneur d'être incompris. » Monsieur Pleur nourrissait environ 200 familles, parmi lesquelles on aurait cherché vainement un individu qui ne le regarda pas comme une canaille, tellement il était malin. Mais aujourd'hui, juste ciel, où donc est la multitude pâle des indigents assistés par le délégataire épiscopal de ce pénitent? Léon Bois, Histoire désobligeante, les captifs de Longjumeau. À Madame Henriette Louis Lillier. Le postillon de Longjumeau annonçait hier la fin déplorable des deux fourmis. Cette feuille, recommandée à juste titre pour l'abondance et la qualité de ses informations, se perdait en conjectures sur les causes mystérieuses du désespoir qui vient de précipiter au suicide ses époux, qu'on croyait heureux. Mariés très jeunes et toujours au lendemain de leurs noces depuis 20 ans, ils n'avaient pas quitté la ville un seul jour. Allégés par la prévoyance de leurs auteurs de tous les soucis d'argent qui peuvent empoisonner la vie conjugale, amplement pourvus, au contraire, de ce qui est nécessaire pour agrémenter un genre d'union légitime sans doute, mais si peu conforme à ce besoin de vicissitude amoureuse qui travaille ordinairement les versatiles humains, ils réalisaient aux yeux du monde le miracle de la tendresse à perpétuité. Un beau soir de mai, le lendemain de la chute de M. Thiers, le train de grande ceinture les avait amenés avec leurs parents venus pour les installer dans la délicieuse propriété qui devait abriter leur joie. Les Longjumeliens, au cœur pur, avaient vu passer avec attendrissement ce joli couple que le vétérinaire compara sans hésiter à Paul et à Virginie. Ils étaient en effet ce jour-là véritablement très bien et ressemblaient à des enfants pâles de grands seigneurs. Maître Piécu, le notaire le plus important du canton, leur avait acquis à l'entrée de la ville un nid de verdure que leurs us enviaient les morts. Car il faut en convenir, le jardin faisait penser à un cimetière abandonné. Cet aspect ne leur déplut pas. Sans doute puisqu'ils ne firent par la suite aucun changement et laissèrent croître les végétaux en liberté. Pour me servir d'une expression profondément originale de Maître Piécu, ils vécurent dans les nuages, ne voyant à peu près personne, non par malice ou dédain, mais tout simplement parce qu'ils n'y pensèrent jamais. Oui, il aurait fallu se désenlacer quelques heures ou quelques minutes, interrompre les extases, et ma foi, considérant la brièveté de la vie, ces époux extraordinaires n'en avaient pas le courage. Un des plus grands hommes du Moyen-Âge, maître Jean Tolère, raconte l'histoire d'un solitaire à qui un visiteur importun vint demander un objet qui se trouvait dans sa cellule. Le solitaire se mit en devoir d'entrer chez lui pour y prendre l'objet. Mais en entrant, il oublia de quoi il s'agissait, car l'image des choses extérieures ne pouvait demeurer dans son esprit. Il sortit donc et pria le visiteur de lui dire ce qu'il voulait. Celui-ci redoubla sa demande. Le solitaire rentra, mais avant de saisir le dit objet, il en avait perdu la mémoire. Après plusieurs expériences, il fut obligé de dire à l'importun « Entrez et cherchez vous-même ce qu'il vous faut, car je ne puis garder votre image en moi assez longtemps pour faire ce que vous me demandez. » Monsieur et Madame Fourmi m'ont souvent rappelé ce solitaire. Ils eussent donné volontiers tout ce qu'on leur aurait demandé, s'ils avaient pu s'en souvenir un seul instant. Leur distraction était fameuse. On en parlait jusqu'à Corbeil. Cependant, ils n'avaient pas l'air d'en souffrir, et la funeste résolution qui a terminé leur existence, généralement enviée, doit paraître inexplicable. Une lettre ancienne, déjà, de ce malheureux Fourmi, que je connus avant son mariage, m'a permis de reconstituer par voie d'induction toute sa lamentable histoire. Voici donc cette lettre. On verra peut-être que mon ami n'était ni un fou, ni un imbécile. Pour la 10e ou 20e fois, cher ami, nous te manquons de paroles outrageusement. Quelle que soit ta patience, je suppose que tu dois être las de nous inviter. La vérité, c'est que cette dernière fois, aussi bien que les précédentes, nous avons été sans excuse, ma femme et moi. Nous t'avions écrit de compter sur nous et nous n'avions absolument rien à faire. Cependant, nous avons manqué le train comme toujours. Voilà 15 ans que nous manquons tous les trains et toutes les voitures publiques, quoi que nous fassions. C'est infiniment idiot, c'est d'un ridicule atroce. Mais je commence à croire que le mal est sans remède. C'est une espèce de fatalité cocasse dont nous sommes les victimes. Rien n'y fait. Il nous est arrivé de nous lever à 3 heures du matin, ou même de passer la nuit dans son sommeil, pour ne pas manquer le train de 8 heures, par exemple. Eh bien, mon cher, le feu prenait dans la cheminée au dernier moment. J'attrapais une entorse à moitié chemin. La robe de Juliette était accrochée par quelques broussailles. Nous nous endormions sur le canapé de la salle d'attente, sans que ni l'arrivée du train, ni les clameurs de l'employé nous réveillassent à temps, etc., etc. La dernière fois, j'avais oublié mon porte-monnaie. Enfin, je le répète, voilà 15 années que cela dure, et je sens que c'est là notre principe de mort. À cause de cela, tu ne l'ignores pas, j'ai tout raté. Je me suis brouillé avec tout le monde, je passe pour un monstre d'égoïsme, et ma pauvre Juliette est naturellement enveloppée dans la même réprobation. Depuis notre arrivée dans ce lieu maudit, j'ai manqué 74 enterrements, 12 mariages, 30 baptêmes, 1 millier de visites ou démarches indispensables. J'ai laissé crever ma belle-mère sans la revoir une seule fois, bien qu'elle ait été malade près d'un an, ce qui nous a valu d'être privés des 3/4 de sa succession, qu'elle nous a rageusement dérobée la veille de sa mort, par un codicille. Je ne finirai pas si j'entreprenais l'énumération des gaffes et mésaventures occasionnées par cette incroyable circonstance, que nous n'avons jamais pu nous éloigner de longs jumeaux. Pour tout dire en un mot, nous sommes des captifs, désormais privés d'espérance, et nous voyons venir le moment où cette condition de galérien cessera pour nous d'être supportable. Je supprime le reste où mon triste ami me confiait des choses trop intimes pour que je puisse le publier. Mais je donne ma parole d'honneur que ce n'était pas un homme vulgaire, qu'il fut digne de l'adoration de sa femme et que ces deux êtres méritaient mieux que de finir bêtement et malproprement, comme ils ont fini. Certaines particularités que je demande la permission de garder pour moi me donnèrent à penser que l'infortuné couple était réellement victime d'une machination ténébreuse, de l'ennemi des hommes qui les conduisit, par la main d'un notaire évidemment infernal dans ce coin maléfique de longs jumeaux, d'où rien n'eut la puissance de les arracher. Je crois vraiment qu'ils ne pouvaient pas s'enfuir, qu'il y avait autour de leur demeure un cordon de troupes invisibles, triées avec soin, pour les investir et contre lesquels aucune énergie n'eût été capable de prévaloir. Le signe pour moi d'une influence diabolique, c'est que les fourmis étaient dévorées de la passion des voyages. Ces captifs étaient par nature essentiellement migrateurs. Avant de s'unir, ils avaient eu soif de courir le monde. Lorsqu'ils n'étaient encore que fiancés, on les avait vus à Angien, à Choisy-le-Roi, à Meudon, à Clamart, à Montretout. Un jour même, ils avaient poussé jusqu'à Saint-Germain. À Longjumeau, qui leur paraissait une île de l'Océanie, cette rage d'exploration audacieuse, d'aventure sur terre et sur mer, n'avait fait que s'exaspérer. Leur maison était encombrée de globes et de planisphères. Ils avaient des atlas anglais et des atlas germaniques. Ils possédaient même une carte de la Lune, publié à Gotha, sous la direction d'un cuistre nommé Justus Pertin. Quand ils ne faisaient pas l'amour, ils lisaient ensemble les histoires des navigateurs fameux, dont leur bibliothèque était exclusivement remplie, et il n'y avait pas un journal de voyage, un tour du monde ou un bulletin de société géographique auquel ils ne fussent abonnés. Indicateurs de chemin de fer et prospectus d'agences maritimes pleuvaient chez eux sans intermittence. Chose qu'on ne croira pas, leur malle était toujours prête. Ils furent toujours sur le point de partir, d'entreprendre un interminable voyage aux pays les plus lointains, les plus dangereux ou les plus inexplorés. J'ai bien reçu 40 dépêches m'annonçant leur départ imminent pour Bornéo, la Terre de Feu, la Nouvelle-Zélande ou le Groenland. Plusieurs fois même, il s'en est à peine fallu d'un cheveu qu'ils ne partissent, en effet. Mais enfin, ils ne partaient pas. Ils ne partirent jamais, parce qu'ils ne pouvaient pas et ne devaient pas partir. Les hommes et les molécules se coalisaient pour les tirer en arrière. Un jour cependant, il y a une dizaine d'années, ils crurent décidément s'évader. Ils avaient réussi, contre toute espérance, à s'élancer dans un wagon de première classe qui devait les emporter à Versailles. Délivrance! Là, sans doute, le cercle magique serait rompu. Le train se mit en marche. Mais ils ne bougèrent pas. Ils s'étaient fourrés naturellement dans une voiture désignée pour rester en gare. Tout était à recommencer. L'unique voyage qu'ils ne dussent pas manquer était évidemment celui qu'ils viennent d'entreprendre, hélas. Et leur caractère bien connu me porte à croire qu'ils ne s'y préparèrent qu'en tremblant. Léon Blois, Histoire désobligeante. Terrible châtiment d'un dentiste. À Édouard Darbour. Enfin, monsieur, me ferez-vous l'honneur de me dire ce que vous désirez? Le personnage à qui s'adressait l'imprimeur était un homme absolument quelconque, le premier venu d'entre les insignifiants ou les vacants, un de ces hommes qui ont l'air d'être au pluriel, tant ils expriment l'ambiance, la collectivité, l'indivision. Il aurait pu dire nous, comme le pape, et ressembler à une encyclique. Sa figure, jetée à l'appel, appartenait à l'innumérable catégorie des faux mastocs du midi, que nul croisement ne peut affiner, et chez qui, cependant, tout, jusqu'à la grossièreté même, n'est qu'apparence. Il ne peut répondre sur le champ, car il était hors de lui et faisait précisément à cette minute une tentative désespérée pour être quelqu'un. Ses gros yeux pleins d'incertitude roulaient, presque jaillissant de leurs orbites, comme ces billes de jeu de hasard qui semblent hésiter avant de choir dans l'alvéole numéroté où va s'accomplir le destin d'un imbécile. « Eh, bougre de bougre ! » exclama-t-il, à la fin dans un fort accent de Toulouse. Ce n'est pas le tonnerre de Dieu, peut-être, que je viens chercher dans votre boutique. Vous allez me conditionner à un cent de lettres de faire part pour un mariage. Très bien, monsieur, voici nos modèles. Vous pourrez faire votre choix. Monsieur désire-t-il un tirage de luxe sur un beau verger ou sur Japon impérial? Du luxe, parbleu! On ne se marie pas tous les jours. Je pense bien que vous n'allez pas m'exécuter ça sur des torches-culs. Tout ce qu'il y a de plus impérial, c'est entendu. Mais surtout, ne vous avisez pas de me foutre un encadrement noir, bon Dieu de bon Dieu. L'imprimeur, simple bonhomme de Vaugirard, craignant d'être en présence d'un fou qu'il ne fallait pas exciter, se contenta de protester avec mesure contre le soupçon d'une telle négligence. Quand il fut question de libeller la copie, la main du client tremblait si fort que l'ouvrier dut écrire sous sa dictée « Monsieur le docteur Alcibiade Gerbillon a l'honneur de vous faire part de son mariage avec mademoiselle Antoinette Planchard. La bénédiction nuptiale sera donnée dans l'église paroissiale d'Aubervilliers. » Vaugirard et Aubervilliers, ça ne se touche guère, pensa le typo qui se fit doucement régler. Évidemment, ça ne se touchait pas. Il y avait bien 15 heures que le docteur Alcibiade Gerbillon, chirurgien-dentiste, errait dans Paris. Toutes les autres démarches relatives à son mariage qui devaient se faire dans les 2 jours, il venait de les accomplir tranquillement, à la manière d'un somnambule. Seule cette formalité de la circulaire l'avait bouleversé. Voici pourquoi. Gerbillon était un assassin privé de repos. L'expliquera qui pourra. Ayant consommé son crime de la manière la plus lâche et la plus ignoble, mais sans aucune émotion, comme une brute qu'il était, le remords n'avait commencé pour lui qu'à l'arrivée d'une missive imprimée, largement encadrée de noir, par laquelle toute une famille éplorait le supplier d'assister aux obsèques de sa victime. Ce chef-d'œuvre typographique l'avait affolé, détraqué, perdu. Il arracha de très bonnes dents, horrifia maladroitement de négligeables chicots, s'acharna sur des gencives précieuses, ébranla des mâchoires que le temps avait respectées, infligeant à sa clientèle des supplices tout à fait nouveaux. Sa couche, don technicien solitaire, fut visitée par de sombres cauchemars, dont grincèrent jusqu'aux dentiers en caoutchouc vulcanisé qu'il avait lui-même construit dans les orifices des citoyens éperdus qui l'honoraient de leur confiance. Et la cause de ce trouble était exclusivement le banal messager qu'avait accueilli d'une âme si calme toutes les patentées notables des environs, des alentours. Alcibiade étant un de ces adorateurs du Moloch des imbéciles, à qui l'imprimé ne pardonne pas. Le croira-t-on ? Il avait assassiné, véritablement assassiné, par amour. La justice veut sans doute qu'un tel crime soit imputable aux lectures de dentistes, qui faisaient l'aliment unique du cerveau de ce meurtrier. À force de voir dans les romans feuilletons les situations amoureuses dénouées de façon tragique, il s'était laissé gagner peu à peu à la tentation de supprimer d'un seul coup le marchand de parapluies qui faisait obstacle à son bonheur. Ce négociant jeune et superbement endenté, dont il n'avait aucune occasion de dévaster la mâchoire, était sur le point d'épouser Antoinette, la fille du gros quincaillier Planchard, pour laquelle brûlait silencieusement Gerbillon. Depuis le jour où, lui ayant cassé une molaire tuberculeuse, la charmante enfant s'était pâmée dans ses bras. On allait publier les bans. Avec la décision rapide qui fait les dentistes si redoutables, Alcibiade avait machiné l'extermination de son rival. Un matin d'averse torrentielle, le marchand de parapluies fut trouvé mort dans son lit. L'examen médical rendit manifeste qu'un scélérat de la plus dangereuse espèce avait étranglé ce malheureux pendant son sommeil. Le diabolique Gerbillon, qui savait mieux que personne à quoi s'en tenir, confirma cet avis audacieusement et sonora d'une logique implacable dans la démonstration scientifique du forfait. Ces mesures, d'ailleurs, étaient si bien prises qu'après une enquête aussi vaine que méticuleuse, la justice fut obligée de renoncer à découvrir le coupable. Le dentiste sanguinaire fut donc sauvé, mais non pas impuni, ainsi que vous l'allez voir. » Comme il entendait que son crime lui profita, le marchand de parapluies était à peine sous la terre qu'il commença le siège d'Antoinette. L'attitude supérieure qu'il avait montrée au cours de l'enquête, les lumières dont il avait inondé ce drame obscur, enfin, l'empressement respectueux de sa compassion délicate pour une jeune personne frappée si cruellement, lui facilitèrent l'accès de son cœur. Ce n'était pas, à vrai dire, un cœur difficile à prendre, une Babylone de cœur. La fille du quincaillier était une vierge raisonnable et bien portante, qui ne s'abîma que très peu dans sa douleur. Elle ne prétendit pas à la vaine gloire des lamentations éternelles, n'afficha point d'être inconsolable. On ne vit pas pour les morts un mari perdu, 10 de retrouver, etc., lui murmurait Alcibiade. Quelques sentences tirées du même gouffre lui dévoilèrent bientôt la noblesse de cet arracheur qui lui parut transcendant. « C'est votre cœur, mademoiselle, que je voulais extirper, lui dit-il un jour. » Parole décisive. Ce mot charmant, que l'éducation de la jeune fille lui permit heureusement de savourer, la détermina. Gerbillon, d'ailleurs, était un époux sortable. On s'entendit aisément et le mariage s'accomplit. Pourquoi fallut-il qu'un bonheur si chèrement conquis fût empoisonné par le souvenir du mort? La fameuse lettre de deuil, dont l'impression commençait à s'effacer, n'avait-elle pas réapparu dans l'imagination de ce meurtrier qui se croyait bêtement dénoncé par elle? L'avant-veille de son mariage, on vient de le voir. L'obsession était redevenue plus forte. Le poussant à la folie, le faisait errer tout un jour, comme un fugitif, dans ce Paris qu'il n'habitait pas, jusqu'à l'heure terrible où il avait enfin trouvé l'énergie de commander ses billets de mariage à cet imprimeur de Vaugirard qui avait certainement deviné son crime. C'était bien la peine d'avoir été si malin, si débrouillard, d'avoir si bien dépisté la justice et d'avoir, contre toute espérance, obtenu la main d'une femme qu'on idolâtrait, pour en arriver à cette misère d'être fréquenté par des hallucinations. L'ivresse des premiers jours ne fut qu'un répit. Les fines cornes du croissant de la lune de miel, des nouveaux époux n'avaient pas encore cessé de piquer la jure, qu'il se produisit un germe de tribulation. Alcibiade, un matin, découvrit le portrait du marchand de parapluies. Oh, une simple photographie qu'Antoinette avait innocemment acceptée de lui lorsqu'elle se croyait à la veille de l'épouser. Le dentiste, outré de fureur, la mit en pièces, aussitôt sous les yeux de sa femme, que cette violence révolta, bien que la relique ne lui parût pas fort précieuse. Mais en même temps, parce qu'il est impossible de détruire quoi que ce soit, l'image hostile qui n'existait auparavant sur le papier que comme le reflet visible de l'un des fragments de l'indiscernable cliché photographique dont l'univers était enveloppé, s'alla fixer dans la mémoire soudainement impressionnée de Madame Gerbillon. Hantée dès lors par ce défunt dont le souvenir lui était devenu presque indifférent, elle ne vit plus que lui. Le vit sans cesse, le respira, l'exhala par tous ses pores, en satura par tous ses effluves son triste mari, qui fut, à son tour, surpris et désespéré de trouver toujours ce cadavre entre elle et lui. Au bout d'un an, ils eurent un enfant épileptique, un enfant mâle, monstrueux, qui avait la figure d'un homme de 30 ans, et qui ressemblait d'une façon prodigieuse à l'assassiné de Gerbillon. Le père s'enfuit en poussant des cris, vagabonda comme un insensé pendant 3 jours, et le soir du 4e, s'étant penché sur le berceau de son fils, l'étrangla en sanglotant.